Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. C'était le repêchage de la Ligue nord-américaine de hockey en fin de semaine et les Marquis de Jonquière ont envoyé le défenseur Francis Trudel ainsi que l'attaquant Yoav Kovnik à l'équipe de Berlin au New Hampshire. On sait que c'est la nouvelle formation de l'équipe d'expansion. Et dans cette transaction, les Marquis ont obtenu également Jonathan Ogilvie. Donc, ayant le premier choix par la suite, les Marquis ont choisi le défenseur Jonathan Diaby, qui est un colosse de 6 pieds 5 pouces, 240 livres, qui a déjà été un choix de troisième ronde des Prédateurs de Nashville au repêchage de la Ligue nationale. Par la suite, les Marquis de Jonquière sont tournés vers Gabriel Levesque, et avec le choix numéro 5 et avec le choix numéro 7, ils ont sélectionné un joueur qui a déjà joué dans la Ligue nord-américaine de hockey, Mathieu Roy-Lévesque, qui a disputé 31 matchs dans la Ligue nord-américaine en 2015-2016, cumulant 31 points. Maintenant, on va vous parler des Jeux du Québec qui se sont terminés samedi à Thetford Mines. Et c'était quand même une certaine déception pour l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont récolté que 19 médailles, une seule médaille d'or cette année. Elle est venue de Nicolas Gay-Landry. Donc aujourd'hui, les organisateurs et la chef de mission, Alexandra Larouche, tiendra le bilan. Donc on va avoir une entrevue dans la section entrevue de danradiosport.com. Les voyageurs de la ville Saguenay ont gagné 27-8 contre Repentigny. Ils ont perdu 7-6 également contre Repentigny. Les voyageurs avaient divisé samedi un programme double contre Gatineau. Ils avaient gagné 4-3 avant de perdre 3-2. En fin de semaine également, c'était le Festival du Bleuet à Dolbeau-Mistassini. Il y avait un tournoi de deck hockey qui se déroulait ici même dans le secteur. Et d'abord, il y avait quand même plusieurs joueurs qui étaient là en finale. Donc, c'est les Moitié Pocket qui ont remporté sur les Pizzos. On dit que c'était un duel très, très serré. En demi-finale, les Mother Pocket qui avaient battu les Lions. Donc, grâce à cette victoire, c'était à une place en finale. Et dans la deuxième demi-finale, les Pizzos avaient vaincu le REV3, donc c'était une belle réussite pour cette première édition. Il y avait 8 équipes qui étaient là au total. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.